est mon ami. Toi, t'es la mienne. À l'aventure, ma main dans la tienne. On aura des hauts et des bas. Ne t'en fais pas, je veillerai sur ton bonheur. Comme un frère, comme une sœur. T'es mon ami. Les jours de peine. Sourire s'enfuit, tu le ramènes. Les éclats de rire, les éclats de joie. Entre toi et moi, on connaît ça par cœur. Comme un frère, comme une sœur. La vie m'a mis sur ton chemin pour être ton fidèle. Autour du monde, ici et là.